France Culture, Christine Bernard. Une histoire particulière. Hier, dans le premier épisode de notre première histoire particulière de l'année 2019, Stéphane Bonnefoy et Delphine Lemaire nous ont raconté l'histoire de Gilbertin. Avec deux autres punks, en 1981, ils créent un groupe de musique Camera Silence à Bordeaux et enregistrent leur premier album. Gilbertin est chanteur et parolier. Les concerts, le rythme des nuits, de la drogue, commencent à le faire glisser sur la pente des délits. Ils seront mineurs au début, mais très vite, il va passer à la vitesse supérieure. Gilbertin va passer de braquage en braquage jusqu'au 27 avril 1988 avec le braquage de la Brinks à Toulouse qui va totalement bouleverser sa vie. Tout de suite, le second épisode. À Toulouse, un braqueur repenti devant les assises aujourd'hui, 30 ans après le braquage de la Brinks et après des années d'exil en Espagne, l'homme s'est rendu pour solder son passé et ne plus mentir à son fils. Récit signé Frédéric Bourgade. En 1988, Gilbertin a 25 ans. Il est malade du sida, il pense qu'il va mourir bientôt et il participe à un braquage, celui de la Brinks. Pour survivre, pour ne pas devenir complètement cinglé, j'étais obligé de tout. J'ai laissé ma femme, ma famille, un enfant en France, mes amis, une vie. Hein, j'étais musicien, etc. Bon. Et je me suis amputé de tous ces souvenirs pour redémarrer, pour recommencer une vie, en quelque sorte. Donc je n'y pensais absolument plus. J'avais fait le vide. Quelquefois, j'en rêvais, etc. Évidemment, on ne peut pas ça. On ne contrôle pas ses rêves. Hein. Donc, de temps en temps, ça revenait. Mais justement, lorsque ça revenait en rêve, je passais une mauvaise journée. Hein. Mais après, je faisais abstraction et je vivais le présent. Voilà. C'est la seule manière de s'en sortir. Gilbertin, une vie en sursis. Deuxième partie. La cavale de Didier Ballet. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Delphine Lemaire. En 2016, lorsque je suis arrivé à Toulouse, j'ai commencé à écrire d'abord sur mon portable, mon arrivée, dans la perspective de signer un contrat. Faut pas se raconter d'histoire, j'avais besoin d'argent en arrivant ici. Gilbertin, octobre 2018. Je laisse ma famille, je laisse ma femme, mon gamin, et je m'apprête à passer la frontière quoi, et me rendre à la justice. C'est le début de tout. Voilà, après ce moment, après m'être rendu à la justice, je fais un bond dans le passé, au siècle dernier, en 1980, et j'entreprends de raconter le pourquoi et le comment de ce qui m'a amené à me rendre à la justice 30 ans après, quoi. Dans ma vie, il y a eu la drogue, donc c'est pas des moments faciles à expliquer. Après, il y a eu la prison, c'est pas facile à expliquer non plus. La naissance de mon premier enfant, devoir le laisser, devoir, une fois que j'étais parti en cavale, comment ai-je pu m'amputer de toute cette vie et passer à une autre. Je me suis auto-psychanalysé, quoi. Quel est le passage le plus difficile? Je ne sais pas. Donc, quoi, je ne retrouve pas du tout peut-être le moment où je laisse mon fils et ma femme. Voilà, pour remettre les choses dans le contexte, nous sommes en cavale et j'essaie de faire revenir mon fils et ma femme en Espagne alors que les flics nous recherchent, quoi. Et nous prenons rendez-vous, donc ils doivent venir en avion et je dois aller les chercher. Bon, je dois aller les chercher à l'aéroport et évidemment, on doit prendre des précautions. Donc voilà, je raconte l'histoire. Non, nous sommes place Catalogne, à Barcelone, été 88. Quelques mois après le braquage de la Brinks, Phil, un ami à moi, doit se rendre à l'aéroport et chercher Loris, encore bébé, sa mère Nathalie et la mère de celle-ci. Loris, c'est mon fils. Nathalie, c'était ma compagne d'alors. Emmener toute la famille jusqu'au centre-ville et patienter devant le magasin El Corte Inglés. Le plan consiste pour moi à attendre au volant d'une voiture qu'ils sortent de l'aéroport, prennent un taxi, puis d'enquiller derrière eux, vérifiant ainsi qu'ils ne soient pas suivis. Parce qu'à l'époque, on savait déjà qu'on risquait d'être suivis, donc. Aucun problème à la sortie. Je laisse passer le taxi en me tenant à bonne distance sans les perdre de vue. Après quelques centaines de mètres seulement, j'observe pas moins de deux véhicules collant systématiquement au basque du taxi, transportant ma famille. Je m'approche lentement, maintenant une distance suffisante pour ne pas me faire remarquer. Un rapide coup d'œil, avec quatre hommes à l'intérieur à l'allure de chiens de chasse dans chaque véhicule, ça sent la flicaille espagnole à plein nez. Je double et accélère plein gaz jusqu'au centre-ville. Arrivé place Catalogne, j'achète au vol un tabloïd allemand avec l'intention de me fondre dans la masse des teutons en grand nombre à cette époque de l'année. Mes cheveux blonds et ma dégaine de touriste feront le reste. Au point de rendez-vous, avec mon journal grand ouvert et ma tête des mauvais jours, Nathalie comprend très vite que quelque chose ne tourne pas rond et poursuit son chemin. Les flics aperçus sur la route de l'aéroport se trouvent garés en double file à quelques mètres de nous seulement. Ils ont sûrement l'ordre de nous suivre, mais de ne pas intervenir. Philippe, mon ami, sans le coup foireux, mais sans perdre son calme, emmène ma famille dans un troquet du quartier chinois d'El Barrio Chino, avant de s'évaporer dans les ruelles bondées de touristes. Et tandis que j'assiste à leur départ, je me joins à un groupe de blondinets se dirigeant vers les Ramblas. Je n'ai jamais revu mon fils et Philippe depuis cette époque. Loris était alors bébé et Philippe le tenait dans ses bras. Je n'avais pas du tout l'intention de me rendre, quoi. Je n'ai jamais eu l'intention de me rendre et j'ai toujours voulu continuer. Voilà. Mais à ce moment-là, lorsque je les laisse place de la Catalogne, je sais à ce moment-là que je ne les reverrai plus, quoi. C'est un moment du livre qui a été assez difficile à écrire, quoi. En 1985, Gilles Bertin chante dans le groupe Caméra Silence une chanson titrée « Réalité ». Une réalité à laquelle il s'est finalement confronté après 28 ans à essayer d'échapper à son passé de braqueur. En avril 87, il fait partie de l'équipe d'une dizaine de personnes déguisées en gendarmes qui fait irruption au dépôt de la Brinks de Toulouse. Des employés sont pris en otage, les coffres sont ouverts, le butin dépasse les 10 millions de francs, plus d'1 500 000 euros. Un truc comme ça, j'en sais rien. Nous avons partagé, nous étions 6. Voilà, on n'était pas mécontents d'avoir volé de l'argent à la Brinks, quoi. Nous sommes partis chacun de notre côté. Et moi, Philippe, en Espagne. Didier et Iñaki sont partis de leur côté en Espagne également. Eux se sont fait attraper très très très, très vite. Hein. Donc il ne restait plus que Philippe et moi. On est partis en cavale, donc une seconde fois. Voilà. Un mois après, il ne restait plus que Philippe et moi. Et les deux autres dont tu n'as pas parlé aussi, ils sont fait arrêter. Ouais. Les deux autres dont je n'ai pas parlé, non. Certains ont échappé. Certains n'ont jamais été inquiétés. Évidemment, je n'en parlerai pas. On le comprendra aisément. Il y a prescription de toute façon. Toi, le projet, c'était quoi après en Espagne ? Rien, aucun projet. Faire la fête, bon d'ailleurs, ça a duré quelques mois. Aller sur la Costa Brava, les discothèques, la drogue, d'autres sortes de drogues. À l'époque, c'était l'ecstasy, la mescaline à Valence, avec des drogues festives. Et donc, l'Espagne, c'était l'Espagne de la transition, donc L'Espagne, à cette époque, tout était permis, tout était... Les drogues, pratiquement en vente libre. Donc, une espèce de paradis hein, pour des fêtards, quoi. Deux mois à fond. Et après, il y a eu une année de transition. J'ai commencé à préparer... Je me suis retrouvé avec ma compagne à essayer de faire autre chose de ma vie que... Et là, tu as déjà brûlé une partie du capital. Oui, ça part très très vite l'argent. Quand on en a beaucoup, ça part très très vite. Et c'est à ce moment-là, quand tu as rencontré ta nouvelle compagne, que tu as commencé à penser à l'avenir Oui, mais penser à l'avenir. On disait, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? Mais comme je voulais... je passais mes journées dans les boutiques de disques à Barcelone, moi. Je n'avais rien d'autre à foutre, en fait. Et je me suis mis à acheter des disques, tu vois. Je me suis mis à collectionner des disques, à découvrir de nouveaux groupes, à écouter de nouvelles musiques. Voilà. Et puis l'idée m'est venue de dire, pourquoi pas monter une boutique de disques. À Barcelone, évidemment, c'était complètement bouché. Hein, des boutiques de disques, il y en avait partout. Je veux parler de boutiques d'importation, de boutiques spécialisées. Hein. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas le Portugal? Au Portugal, tout était à faire. Donc voilà, on s'est lancé dans l'aventure. Et la boutique de disques, ça a duré 10 ans au Portugal. En 1995, je suis tombé malade au Portugal, donc j'ai commencé à me sentir mal, je pensais à une mauvaise grippe, c'était pas la première fois que j'avais de la fièvre. Hein. Puis au bout d'un mois, évidemment, on commence à se poser des questions, et les jours passent, et avec le passé que j'avais, je me rendais bien compte que ça devait être le sida, quoi. Faut pas aller clairement, quoi. J'étais encore recherché par la police, hein. je ne savais pas quoi faire, donc je n'ai pas été à l'hôpital, et ça a duré 6 mois. J'avais peur d'aller à l'hôpital et de me rendre, les problèmes que ça pouvait... Je ne savais pas quoi faire, en fait, j'étais un peu perdu, un peu paumé, quoi. Et puis je craignais pour ma compagne, hein. En fait, j'étais atteint d'une pneumocystose, hein. C'est une maladie opportuniste qui est très commune chez les gens... immunodéprimé, je sais pas comment on dit en français. J'ai attendu 6 mois avant de me rendre à l'hôpital, et lorsqu'on m'a pris à l'hôpital, j'étais pratiquement mourant, j'avais perdu 30 kilos, je pouvais à peine respirer, voilà comment ça s'est passé. J'ai juste eu à fournir un nom et on m'a soigné, non seulement soigné, mais donné des médicaments, j'ai été vraiment... très bien traité, quoi, je veux dire. Ça paraissait incroyable, d'ailleurs, mais voilà. Je me voyais mort. En 1995, il n'y avait pas de trithérapie encore. J'ai donc passé... elles sont arrivées deux années après, au Portugal, un peu plus tard. Donc j'ai donc passé 2-3 ans sans trithérapie. Il n'y avait que la ZT à cette époque. Hein. La ZT que je prenais même plus. Bref. Et donc oui, je me préparais à mourir, hein. Là c'était plus qu'évident là. Et ton identité alors, comment ça se passait? Écoute, moi j'en avais pas. J'avais une fausse carte d'identité là, mais je ne m'en servais jamais. Puis qui rapidement est devenue obsolète, puisque c'était les vieilles cartes d'identité en carton là. Elle était valable jusqu'en 95, je crois. Donc je l'ai retouchée une première fois, lorsque je suis tombé malade, que j'étais obligé de donner, fournir quelques papiers. Là. J'ai prolongé jusqu'à 98, puis après ça a été plus possible, parce que les cartes plastifiées étaient maintenant instaurées en France. Quoi. Donc c'était plus Gilbertin? Non, c'était Didier Ballet. Un autre, voilà. Je me suis appelé Didier Ballet pendant 30 ans, quoi, en fait. Qui était au courant de ton passé? Personne. Seule ma compagne était au courant. Je ne racontais pas ma vie. Hein. T'imagines bien que c'est pas le genre de truc que t'as envie de raconter à tout le monde. C'est pas le genre de chose dont on a envie de se vanter. Je ne racontais rien. Ce n'est pas aussi difficile que ça a l'air de les gens me disent, mais comment tu as fait toutes ces années alors? Les gens ne te posent pas nécessairement des questions sur ton passé. Puis s'ils te posent des questions, s'il est facile de changer de conversation. En fait, les gens ont souvent envie de parler d'eux. Hein, je ne sais pas si tu l'as remarqué. Donc les gens parlent d'eux et toi, tu n'as pas parlé de toi comme cela. Il suffit d'écouter. En 90, le Portugal, jusqu'en 2000, Et en l'an 2000, on retourne en Espagne et on repart travailler dans le bar familial. Les parents de ma femme, ma compagne, tenaient un bar dans un quartier périphérique de Barcelone. Et donc, et nous revenons travailler là-bas. J'étais toujours extrêmement parano, hein. Je faisais très attention. Faut savoir qu'à cette époque, Barcelone, il y avait encore le commando ETA, le commando Barcelone. Il y a eu un moment très difficile parce que les flics faisaient vraiment du porte-à-porte. Personnellement, je n'ai peut-être pas recherché, mais à cause du commando Barcelone, évidemment, les flics étaient sur les dents. Et ça m'a posé quelques problèmes. Parce qu'ils sont venus au bar, souvent poser des questions. Est-ce que vous avez vu quelqu'un de suspect, etc. Bon, je ne pensais pas du tout à la France, ni au groupe, ni à ce qu'on pensait de moi. Voilà. C'est d'ailleurs ma femme, une fois, qui, au bout de, je crois, en 2006, elle a été sur Internet, a commencé à faire quelques recherches sur. Voilà. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait eu un jugement par rapport à l'attaque du centre fort de la Brinks. Ça avait été jugé en 2004. Je me suis rendu compte que j'avais été condamné à 10 années de prison. Mes amis étaient morts. Hein. C'est là que je m'en suis rendu compte. Bon, je téléphonais à mon père de temps en temps. Lui, il m'avait aussi appris la nouvelle de la mort de mon ex-compagne, Nathalie, qui est décédée très rapidement, quoi. Voilà, mais j'avais très peu de... Voilà, Et puis bon, je me suis un petit peu renseigné, et de suite après, j'ai refermé la porte, quoi. J'ai refermé de suite. Sinon, je ne pouvais pas. C'était difficile à assumer tout ça. Donc, hop, je n'y repensais plus. Tu n'as jamais eu aucun souci ? Ben non, aucun. 30 ans de cavale. Aujourd'hui, Gilbertin est rentré pour être jugé, son avocat, Maître Etelin. Depuis 30 ans, il a monté une boutique de vente de disques au Portugal et puis il s'est installé à Barcelone, où il a connu une compagne et où il a eu un enfant qui a maintenant 6 ans. Il préfère être jugé parce qu'il préfère parler de lui-même à son fils. Il veut pouvoir dire la vérité. Son procès est donc un ricochet du précédent, mais Gilbertin risque quand même de la prison ferme. C'est pourquoi il a peur. Quand je me suis rendu, d'ailleurs ils me l'ont bien fait remarquer, j'étais loin d'être l'homme le plus recherché de France. Hein. Ils n'en avaient plus rien à foutre. D'ailleurs, ça a emmerdé la justice quelque part que je revienne. Quoi. Il fallait retrouver le dossier qui était à moitié perdu en plus. Me rejuger, ne savait pas comment me juger non plus. C'est nouveau hein, aussi. Quelqu'un qui se rend 30 ans après, qui a refait sa vie, qui n'a plus commis de délit, qui s'est réinséré tout seul. Qui est malade, qu'il se rend 30 ans après, mais dont les faits pour lesquels on va le juger sont extrêmement graves, voilà, il ne savait pas trop comment me prendre. Quoi. Et j'ai choisi de me rendre parce que on ne pouvait tout simplement plus continuer comme ça. Peu importe prescription, pas prescription, je n'avais rien à faire. Quoi. Là n'était pas le problème. Le problème, c'est qu'on ne pouvait plus continuer comme cela, avec notre gamin, etc. Donc tu te préparais à faire de la prison ? Oui, je me préparais à rentrer en prison, oui, bien sûr. Prochaine station, Jolimont. Estación Benento, Belmont. Qu'on va voir en Jolimont? Eh bien, on va voir mon avocat. Il faut marcher un petit peu, mais bon, tu vas voir, c'est pas loin. Ben, c'est la première personne que tu as vue, toi, quand tu es arrivé en France, quand tu es revenu en 2016, c'est ça? Oui, c'est... voilà. Bon, là, on va voir Marie-Christine. Hein. Marie-Christine, c'est donc la femme de Christian. qui est maintenant à la retraite, hein, mais bon, qui continue à bon voilà, d'aider les autres, les gens. En ce qui concerne mes démarches administratives, c'est elle qui me file un coup de main, quoi. Je connaissais le couple d'avocats depuis les années 70, où ils avaient défendu les anarchistes basés à Toulouse. Hein, ils ont défendu des membres du GARI, des membres d'Action Directe. Voilà, je les connaissais de réputation. Donc, lorsque j'ai décidé de me rendre, quoi, en fait, ça a été mon premier choix, quoi. En fait, je ne savais pas à qui m'adresser, en fait. Hein. Mais je sais qu'eux allaient m'écouter et allaient comprendre, en fait. Parce que bon, mon histoire n'était pas évidente à raconter. Hein. On y va, on rentre. Je ne sais pas où aller. Écoutez dans son jardin. On ferme quand même. Lorsque Gilles Bertin a pris contact avec nous, ça ne nous a pas particulièrement étonné. Marie-Christine Ettelin. Ce qui nous a par contre parfaitement étonné, c'est qu'il prenne contact avec nous en nous disant qu'il voulait se constituer prisonnier. Je vous avoue que ce n'était pas la première fois. Il y a parfois des gens qui ont fait l'objet de condamnations à une peine d'emprisonnement relative, un ou deux ans de prison. Mais quelqu'un qui veut se constituer prisonnier après 30 ans de cavale et à qui on reproche des faits d'une gravité certaine, comme un hold-up, un vol qualifié, c'était bien la première fois. Nous lui avons demandé, je sais que mon mari lui a demandé de bien réfléchir. Et il m'avait même dit, il faudrait lui conseiller d'aller voir un psychologue, parce que c'est quand même étonnant, étonnant. Bon. Après, pendant quelques mois, on en a parlé. Pourquoi c'est étonnant ? Parce que nous étions aux portes de la prescription. Il manquait quelques mois ou une ou deux années, enfin c'était très peu. Et vraiment, nous trouvions que c'était prendre un risque judiciaire important que de venir se constituer même après tant ans. Bon, je ne connaissais pas Gilles, bien sûr. Au téléphone, on n'allait pas. Même, vous savez, sur le téléphone d'un avocat, il faut être très prudent. Donc c'est mon mari qui avait le contact avec lui et il était allé annoncer cette nouvelle au parquet général puisque la cour d'assises dépend du parquet général. Le procureur général et mon mari étaient convenus d'une date pour que Gilles se présente et se constitue prisonnier, puisque c'est la démarche qu'il faut faire. Il risquait de partir en prison. D'ailleurs, je ne vous cache pas que nous lui avions dit qu'il partait en prison pour au moins le temps de l'instruction du nouveau procès, mais qu'il partait en prison. Ça, c'était très clair. Il avait une valise quand il est arrivé. Et c'était donc un jeudi ou un vendredi. Ce jour-là, à Toulouse, une très grosse affaire venait d'éclater. Le procureur général était débordé. Il n'a pas pu assurer ce rendez-vous. Et nous nous sommes retrouvés avec Gilles, qui venait de passer la frontière à pied, dans l'impossibilité de lui dire « Monsieur, vous allez aller dormir à l'hôtel ». Bon, la seule solution que nous ayons trouvée, c'est de l'héberger à notre domicile. Alors ça ne se fait pas, ça, dans notre métier. La profession ne serait pas particulièrement ravie que ses membres aient des relations amicales avec des délinquants. Hein, je rappelle qu'il s'agissait d'une affaire criminelle. Le soir, la décision, mon mari l'a vite prise. Et à 20h, il est arrivé, il a ouvert la porte, il m'a dit « Je te présente Gilles Bertin ». Ça a été un choc, parce que j'ai été renvoyée il y a 30 ans, cet homme, dont je savais, mais je n'étais pas tenue au courant dans le détail, donc je savais qu'il voulait se présenter un an ou deux ans avant, il avait pris contact avec nous. Mais voilà, et il m'a dit « Il vient dormir à la maison ». Wow. Bon, c'était un peu délicat. Hein, il était sous mandat d'arrêt, mais il n'y avait pas d'autre solution. Il n'y avait pas d'autre solution. Je lui avais interdit, parce que notre domicile donne dans une rue où est situé un commissariat de police, je lui avais interdit de pénétrer dans le devant du jardin. Je lui avais intimé l'ordre de rester à l'arrière où personne ne pouvait le voir. Le lendemain, Gilles Berthet, accompagné donc de son avocat, Christian Etelin, s'est rendu au rendez-vous avec le procureur général. Il a été donc ensuite envoyé au commissariat de police, c'est la façon de procéder, et ensuite présenté devant le juge des libertés, qui, à la suite des explications données par mon mari, l'a remis en liberté. Alors, mon procès, j'ai donc été rejugé le 6 juin 2018. Les parties civiles ne se sont pas présentées, ni la Brinks, ni les gens que l'on avait molestés à cette époque. Ils ont choisi de ne pas se présenter. Pour eux, je crois qu'ils ont signifié pour eux, c'était oublié, qu'ils avaient tourné la page. Et si j'avais été présente, oui, j'aurais présenté mes excuses. J'aurais exprimé mes regrets quant aux violences. Voilà. Donc, pas de dommages et intérêts, rien. J'ai rien à payer. Voilà. On t'a posé la question de savoir où était passé l'argent, tout ça ? Oui. Oui, bien sûr, on m'a demandé où était passé l'argent, oui. Mais bon, en 30 ans, j'ai eu largement le temps de le dépenser. Surtout que des ans après, il n'en restait plus beaucoup. Alors, je me suis donc expliqué, j'ai essayé d'être le plus sincère. Bon. J'ai été condamné donc à 5 ans d'emprisonnement avec sursis. Voilà. Bon, ça paraissait incroyable quand même, vu l'affaire, bon. J'ai eu du mal à réaliser que tout était enfin terminé, que je n'avais pas été en prison. Je pense que le président de la cour d'assises a jugé l'homme que j'étais devenu et n'a pas tenu compte de l'homme que j'avais été. Quoi. Je pense qu'ils ont jugé l'homme d'aujourd'hui. Quoi. Tout est bien qui finit bien. Et ton fils, tu avais des nouvelles ? Tu as parlé avec lui ? Non, mon grand-fils, je ne l'ai revu que... Je n'ai eu des nouvelles de lui que 30 ans après. Je lui avais laissé place Catalogne. Je l'ai retrouvé 30 ans après, à Toulouse. Et donc maintenant, il a quel âge, ton fils ? 33 ans, 32 ans. Lui aussi, il est musicien. Mais bon, voilà. Bon, il connaît l'histoire. Hein. Personne ne lui a jamais rien caché. On se retrouve 30 ans après, je ne vais pas non plus me poser comme un père. Non, déjà qu'on puisse qu'il me considère comme son ami, ça sera déjà bien, tu vois. Je peux lui donner quelques conseils, je lui donnerai. Ça fait beaucoup de choses, ce retour en France, ça, pour toi, ça... Ben oui, hein, même encore, c'est assez perturbant de parler de tout ça. Tu vois, moi, ça me chamboule toujours un petit peu. Donc, c'est parce que pendant 30 ans, justement, tu n'en as pas parlé, c'est ça ? Oui, voilà. Si j'ai autant de mal à en parler, si j'ai autant de mal à m'exprimer comme ça, c'est parce que c'était lourd à porter, ça l'est encore. La cavale de Didier Ballet. Fin de la deuxième partie. Aujourd'hui, j'essaie de préparer l'avenir. Avec Gilles Bertin et Marie-Christine Etelin. Je dois retourner à Barcelone aux côtés de ma compagne pour l'aider au bar, pour l'aider au travail, pour l'aider à l'éducation de mon fils. Merci à Jean-Manuel Escarneau. Archivina, Marine de Canse. Mixage, Alain Joubert. Coordination, Christine Bernard. Mon seul souci est d'aider mon deuxième enfant à grandir, à se construire dans le plus sereinement possible, quoi. Voilà. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Delphine Lemaire. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30. Allons respirer l'air marin, ça va nous faire du bien entre deux galettes des rois, mais c'est une autre histoire.